one is legal. Besoin de toi, autant besoin de te sentir près de moi. J'ai tant besoin de toi, de te parler, de t'embrasser, de te prendre dans mes bras. J'ai tant besoin de ta tendresse, de flotter porté par cette ivresse. Si tu savais comme c'est si dur quand tu me laisses, mon cœur est en pleine détresse. Encore un matin où je me lève et toi tu es loin de moi. Si loin de ce magique matin où nous étions tous les deux allongés, ton visage entre mes mains glissant sur ton corps faisant de jolis dessins. J'ai tant besoin de toi, autant besoin de te sentir près de moi. J'ai tant besoin de toi, de te parler, de t'embrasser, de te prendre dans mes bras. J'ai tant besoin de ta tendresse, de flotter porté par cette ivresse. Si tu savais comme c'est si dur quand tu me laisses, mon cœur est en pleine détresse. Toi-même tu sais que la distance efface peu à peu le tableau du passé. Souffle sur nos souvenirs, les seuls qui peuvent compenser. On était compensés, que cela nous suffisait. Et d'y recompenser, même pas les voir passer. Les jours, mais tous les jours, tu es dans mes pensées. J'ai tant besoin de toi, autant besoin de te sentir près de moi. J'ai tant besoin de toi, de te parler, de t'embrasser, de te prendre dans mes bras. J'ai tant besoin de ta tendresse, de flotter porté par cette ivresse. Si tu savais comme c'est si dur quand tu me laisses, mon cœur est en pleine détresse. Si tu savais combien tu me manques, je suis grave en manque de toi. Ce manque, le téléphone l'apaise, mais ne le pallie pas. Il me faut d'urgence une dose, décroche, bébé c'est moi. Laisse-moi encore quelques instants entendre ta voix. J'ai tant besoin de toi, autant besoin de te sentir près de moi. J'ai tant besoin de toi, de te parler, de t'embrasser, de te prendre dans mes bras. J'ai tant besoin de ta tendresse, de flotter porté par cette ivresse. Si tu savais comme c'est si dur quand tu me laisses, mon cœur est en pleine détresse.